sourire. C'est tout ce qu'il nous reste face à ce monde où même les enfants lancent des bombes. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à leur apprendre que face à la misère, il ne faut pas se méprendre. Il faut tous essayer de s'en sortir. Regardez droit.